vous allez nous parler aujourd'hui, c'est musique debout, orchestre debout. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il faut dire. Ensuite, on écoutera Sylvain Antichamp. Sylvain, toi, ta thèse, tu l'as déjà soutenue si les informations sont bonnes, tu n'as pas menti sur Internet. C'était une thèse, là aussi, je vais mettre un petit coup d'œil sur mes notes, sur la formation politique et sociale d'une iconographie nationale au musée historique du château de Versailles. Et le sujet dont tu vas nous parler, c'est de la topographie légendaire de la place de la République. Donc je pense du coup avec des parallèles entre cette topographie et probablement d'autres expériences historiques. L'idée de cette séance, c'est peut-être de revenir à travers deux grandes questions qui sont la place de la musique dans Nuit Debout et puis le rapport de Nuit Debout au passé, d'essayer se dire que ça fait quelques mois, je ne ferai pas l'offense pour rappeler ce qu'est Nuit Debout, mais simplement de se dire ça fait quelques mois que cette séquence est passée. Elle n'est pas d'ailleurs peut-être pas tout à fait finie, il y a certaines villes en France où ils se réunissent encore en passant la place de la République, on voit encore la plupart du soir de semaine des sessions d'éducation populaire, donc il y a encore certaines choses qui vivent, mais on a quand même ce petit temps de recul qui permet à la sociologie, à la recherche de se mettre en branle. Et c'est pas inutile parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Nuit Debout, parfois vraies, parfois moins. On a beaucoup entendu notamment que il y avait une espèce d'entre-soi, d'homogénéité sociologique du profil des participants. Il y a eu un travail qui a été mené par 5 ou 6 chercheuses et chercheurs qui ont justement assez rapidement permis de montrer que on avait un profil peut-être un peu plus bigarré que celui qu'on présentait dans les médias. On a aussi beaucoup entendu que c'était simplement un lieu de discussion, un arbre à palabre, une libération de la parole, mais que c'était très peu du côté de l'action, alors que pourtant il y a eu tout un tas d'initiatives très concrètes qui sont parties des différentes places. Donc je pense que sur ces sujets de la composition sociologique du mouvement, du répertoire d'action, il y a vraiment les sociologues ont quelque chose à dire. Les sociologues, les sciences sociales au sens large ont des choses à dire et à nous apprendre. Il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, certaines je pense qu'on va les aborder ici sur d'abord ce qui était peut-être la surprise pour tout le monde, c'est la façon dont cette occupation de place s'est inscrite finalement dans le temps, alors qu'au départ c'était quelque chose qui était prévu pour durer une nuit et qu'on a duré plus d'une centaine. Il y a la question aussi des circulations transnationales, internationales, des idées, des militants, parce que on peut pas s'empêcher, malgré les spécificités nationales, de replacer cet événement dans un cycle quand même plus large qui a vu d'autres jeunesses de par le monde occuper des places en Tunisie, en Grèce, en Turquie et ailleurs. Il y a tout un tas de questions aussi qui se posent sur la structuration interne de ce mouvement, sur les rapports entre les commissions, sur les différents types d'engagement aussi au sein de Nuit Debout. D'un côté ceux qui sont passés comme ça une fois ou deux pour visiter, prendre un peu le pouls, voir ce qui se passait, et puis ceux qui s'y sont investis corps et âme, nuit et jour, pendant des semaines, peut-être parfois plus. Il y a différents niveaux, degrés d'intensité d'engagement. Et donc l'idée ici, c'est on n'est que quelques mois après, donc certainement pas d'amener des conclusions sur le sujet. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir accepté de déjà prendre la parole sur ces recherches, je le disais, qui sont en cours, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. On se disait, on a du recul, mais on a peu de recul pour l'instant. Donc, je vous demande d'avance compréhension et indulgence pour nos gentils et gentilles conférencières et conférenciers qui ont accepté de venir faire part de ces travaux. C'était pas forcément évident. La façon dont on va procéder, du coup, on a déjà lié une vingtaine de minutes, mais on est ensemble jusqu'à 21h, c'est que je vous propose, donc on commence par l'intervention de Myrtille Picot et Isabelle Maillot, à peu près une demi-heure, que ensuite, dans la foulée, on prenne en face l'intervention de Sylvain, et que, suite à ça, j'avais annoncé sur quelques listes, ça n'a pas forcément, je ne sais pas si tout le monde est au courant, la proposition, c'est qu'on s'est dit que peut-être que certains ou certaines dans la salle étaient aussi dans une démarche de recherche, de mémoire, de thèse, de recherche plus ponctuelle, sur Nuit Debout, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'ici on a un peu plus, il me semble, hein, si je dis pas d'erreur, sur Paris. Donc voilà, si on prendra aussi là un temps, si certains veulent nous faire part, peut-être pas en une demi-heure, mais nous expliquer un petit peu s'ils ont mis une recherche en marche de quoi il s'agit. On fera peut-être une petite pause si la chaleur et le besoin s'en font ressentir. Cette salle chauffe très vite en général. Et après, du coup, dans le deuxième temps, on prendra une heure et demie de discussion en général sur tout ça. Avant que j'oublie, parce que sinon après j'oublierai, deux petites annonces. La prochaine séance de ce séminaire politique des sciences, je parle sous le contrôle de Michel Barthélémy, aura lieu le 5 janvier prochain sur la question de l'indépendance des médias. Oui, c'est ça. Avec, qui sera assuré par le journaliste Debout, ex-journaliste atterré, et Aude Lancelin sera présent, notamment. Voilà, de l'obsolète. Voilà, et du coup, deuxième petite annonce rapidement, c'est que un peu dans le, pas dans le prolongement, mais disons que le 16 décembre, juste en face au 105 boulevard Raspail, aura lieu une journée d'études qui s'intitule « Qualifier la contestation, insurrection, violence politique et manifestation en 2016 ». Donc j'en dis pas davantage parce que le titre parle de lui-même. Il y aura quatre sessions, quatre séances. Dont l'une portera spécifiquement sur Nuit Debout, mais voilà, si on élargira un petit peu le spectre, et comme aujourd'hui, ce sera ouvert, je vais en demander davantage à la fin si vous souhaitez. Donc je vous cède tout de suite la parole en remerciant à nouveau.